L'amie prodigieuse de Elena Ferrante, traduit de l'italien par Elsa Damien. Lila a refusé Marcello et s'apprête à épouser Stefano Caracci, qui a investi dans la cordonnerie Cerullo pour aider Lila et Rino à réaliser leur rêve, créer une marque de chaussures à leur nom. Lila règne sur tout le quartier, se promenant dans les toilettes de stars. Stefano et elle incarnent la jeunesse, la beauté et le succès. Ils ont acheté un appartement dans un nouveau quartier avec une vraie salle de bain et même le téléphone. Ils veulent proclamer leur victoire sur la misère et représentent une promesse de prospérité à venir. Mais les tensions persistent. Stefano a conquis celle qu'aimait Marcello, mais il sait qu'il ne peut faire fi de l'influence des Solara et que s'il veut faire des affaires, il aura besoin de leur aide. Lila ? Oui. Bah voilà, je suis là. Dixième épisode, les noces de Lila. Oui. Et toi, t'as pas froid en culotte, comme ça ? Le 12 mars arriva. C'était une journée douce, déjà printanière. Lila voulait que j'aille de bonne heure dans son ancienne maison et que je l'aide à se laver, se coiffer et s'habiller. Elle avait près d'elle sa robe de mariée qui semblait le corps d'une morte. Devant elle, il y avait la bassine en cuivre pleine d'eau fumante. D'après toi, je fais une erreur ? En faisant quoi ? En me mariant. Tu penses encore à l'histoire du témoin ? Tu sais bien que Stefano n'avait pas le choix et qu'il devait demander à Silvio Solara d'être présent. Non, je pense à la maîtresse. Ah. Pourquoi Madame Oliviero n'a pas voulu me laisser entrer quand je lui ai apporté notre faire-part ? Pourquoi est-ce qu'elle a fait semblant de ne pas me reconnaître ? Tu te souviens ? Oui. Elle a dit « Cerullo, je la connais, mais elle, je ne sais pas qui c'est », en parlant de moi. Parce que c'est une vieille mégère. Quoi qu'il arrive, toi, n'arrête pas tes études. Encore 2 ans, ensuite, je passerai mon diplôme et ce sera fini. Non, c'est jamais fini. Je te donnerai les sous. Tu dois continuer à étudier, toujours. Merci, mais à un moment donné, l'école, ça s'arrête. Pas pour toi. Toi, tu es mon amie. Et tu es un génie. Tu dois devenir plus forte que tout le monde, garçon et fille. Allez, aide-moi, sinon je vais être en retard. Je ne l'avais jamais vue toute nue, et j'en ressentis de la honte. Bah quoi, qu'est-ce qu'il y a ? Aujourd'hui, je peux dire que ce fut la honte de poser avec plaisir mon regard sur son corps, d'être le témoin de sa beauté de jeune fille de 16 ans, quelques heures avant que Stefano ne la touche, ne la pénètre, et peut-être ne la déforme en l'engrossant. Je m'obligeais donc à rester et à poser mon regard sur ses épaules de garçon, ses seins aux mamelons glacés, ses hanches étroites et ses fesses tendues, sur son sexe très noir, ses longues jambes, ses genoux tendres, ses chevilles rondes et ses pieds élégants. Et je faisais comme si ce n'était rien, alors que tout se jouait là. Dans cette pauvre chambre un peu sombre, avec son mobilier misérable et son carrelage disjoint plein d'éclaboussures. Et mon cœur était affolé, mon sang brûlant. Mets-toi debout, je vais te rincer. Ouais. J'eus des pensées et des sentiments confus. La prendre dans mes bras, pleurer avec elle, l'embrasser, lui tirer les cheveux, rire, m'inventer des compétences sexuelles et l'instruire d'un ton docte, prendre mes distances avec les mots au moment même de la proximité maximale. Mais à la fin, il ne me resta que l'idée horrible que j'étais en train de la nettoyer de la tête aux pieds, de bon matin, juste pour que Stefano puisse la salir au cours de la nuit. Je l'imaginais, nue comme elle l'était en ce moment, enlacée à son mari dans le lit de sa nouvelle maison, tandis que le train ferraillait sous leur fenêtre et que sa chair violente à lui entrait en elle d'un coup net, comme le bouchon de liège qu'on pousse avec la paume dans le goulot d'une fiasque de vin. Et il me sembla tout à coup que l'unique remède contre la douleur que j'éprouvais et que j'allais éprouver était de trouver un coin assez isolé pour qu'Antonio me fasse au même moment la même chose. Oui. Je l'aidai à mettre sa robe de mariée. L'étoffe se mit à vivre. Tu m'aides à mettre la robe ? Sur sa blancheur coururent la chaleur de Lila, le rouge de sa bouche et l'intense noirceur de ses yeux durs. À la fin, elle enfila les chaussures qu'elle avait dessinées elle-même. Oh, qu'est-ce que t'es jolie. Elle avait choisi une paire dotée d'un petit talon pour éviter d'avoir l'air beaucoup plus grande que Stefano. Elle se regarda dans la glace en soulevant un peu sa robe. Elles sont moches. Non, c'est pas vrai. Les rêves que j'avais dans la tête se retrouvent sous mes pieds. Lénou, qu'est-ce qui va m'arriver? Il va rien t'arriver, Lila. C'est juste la vie. Dans la cuisine, il y avait Fernando et Nunzia. Je ne les avais jamais vus aussi soignés et bien habillés. À cette époque, ses parents, les miens, tous les parents me semblaient vieux. Bon, ben on y va. Ce n'est que maintenant, pendant que j'écris, que je me rends compte que Fernando, à cette époque, ne devait pas avoir plus de 45 ans. Nunzia avait certainement quelques années de moins. Et ensemble, ce matin-là, lui avec sa chemise blanche, son costume sombre et son visage à la Randolph Scott, elle, tout en bleu, avec un petit chapeau à voilette, ils avaient vraiment fière allure. Je pourrais dire la même chose de mes parents. Mon père avait 39 ans, ma mère, 35. Je les observais longuement à l'église. Je sentis avec agacement que ce jour-là, mes succès scolaires ne les consolaient pas le moins du monde. Et ils trouvaient même, surtout ma mère, qu'il s'agissait d'une perte de temps absolue. Quand Lila, splendide, nimbée dans la blancheur éblouissante de sa robe et de son voile vaporeux, s'avança dans l'église, ma mère, même si son œil strabique semblait regarder ailleurs, me fixa pour me faire lourdement sentir que moi j'étais là, avec mes lunettes loin du centre de la scène, tandis que ma copine méchante avait conquis un mari aisé, une activité économique pour sa famille et une maison dont elle serait en plus propriétaire avec baignoire, réfrigérateur, télévision et téléphone. Nous sommes réunis aujourd'hui pour unir Stefano Caracci et Raffaella Cerullo par les liens sacrés du mariage. Arrête de t'agiter. Raffaella et Stefano, puisque vous avez été choisi par Dieu, que vous êtes... Je parcourus du regard l'église comble. Les gens s'ennuyaient et comme moi passaient leur temps à regarder autour d'eux. Gigliola était magnifique, Carmela Peluso aussi, et les garçons n'étaient pas en reste. Enzo et surtout Pasquale semblaient vouloir prouver que là, devant l'hôtel avec Lila, ils auraient fait bien meilleure figure que Stefano. Quant à Rino, il était parfait dans son costume neuf, chaussures Cerullo aux pieds, aussi brillante que ses cheveux gominés. Quel faste! À l'évidence, aucun de ceux qui avaient reçu le faire-part n'avait voulu rater ça, et ils avaient même tenu à s'habiller comme pour sortir dans le grand monde. Et pour autant que je puisse le savoir, cela signifiait qu'un bon nombre d'entre eux, et peut-être Antonio le premier, assis à côté de moi, avaient dû emprunter de l'argent. Nous avons écouté l'adresse de Saint Paul aux Colossiens. Je regardais alors Silvio Solara, gras, en costume sombre, debout près du marié, plein d'or étincelant au poignet. Je regardais sa femme Manuela, qui se tenait près de la mariée, vêtue de rose et toute couverte de bijoux. Tout ce luxe venait d'eux. Depuis la mort de Don Achille, c'était eux qui prêtaient de l'argent à tout le quartier. Oui, je le veux. Stefano Caracci, voulez-vous prendre pour épouse Raffaella Cerullo? Oui, je le veux. Lila ne se tourna jamais vers Stefano et ne fit que fixer le prêtre. Je me dis que, vu comme ça, de dos, il ne faisait pas un beau couple. Lila était grande, il était petit. Lila avait l'air extrêmement concentrée, comme si elle voulait comprendre en profondeur ce que ce rituel signifiait vraiment. Lui, de temps à autre, se tournait vers sa mère, échangeait des regards avec Silvio Solara ou se gratouillait la tête. À un moment donné, je fus saisie d'anxiété. Je me dis, et si c'était vrai? Si Stefano n'était pas ce qu'il paraissait. Vous êtes désormais... Mais je n'allais pas au bout de cette idée. ...par Dieu et par le sacrement du mariage. Vous pouvez maintenant embrasser la mariée. Je dus prendre acte que Lila s'était vraiment mariée. Et puis, tout à coup, je perdis tout intérêt pour les mariés. Je réalisais que j'avais aperçu tout le monde, sauf Alfonso, le frère de Stefano, qui allait au lycée avec moi. je l'aperçus au fond de l'église, presque caché par une colonne. Je lui fis signe. Il répondit et se dirigea vers moi. Mais à sa suite surgit majestueuse Marisa Saratore. Et aussitôt après, très maigre, main dans les poches, ébouriffé et avec la veste et le pantalon froissé qu'il portait au lycée, Nino. Comme il présentait bien Alfonso. Je ne l'avais jamais vu en costume noir, chemise blanche et cravate. À l'évidence, Marisa lui avait déjà mis le grappin dessus. S'étaient-ils mis ensemble? J'en doutais, il me l'aurait dit. Mais il était clair que les choses étaient bien engagées, au point qu'il l'avait invité au mariage de son frère. Et Marisa, sans aucun doute pour obtenir la permission de ses parents, avait traîné de force Nino avec elle. Bon, on se met en route. Le resto est Via Orazio, je crois. Oui, il faut qu'on se dépêche, il faut qu'on ait une bonne place. Mais nous, tu viens avec nous? Oui, j'arrive. Qu'est-ce que t'as? T'as l'air inquiète. Non, j'ai rien. T'as quelque chose qui t'embête? Non. Ce qui l'embête, c'est que Lila s'est mariée, qu'elle voudrait bien se marier aussi. Mais pas du tout, tu dis n'importe quoi. Mais enfin, t'es fou! Arrête, Pashka! Mais putain, mais qui est là? Avance, merdeux! Ay, cazzo! Allez! Ashtruz! Prends-le sur la droite, prends-le sur la droite. Ce fut pendant ce trajet vers la Via Orazio que je commençais à me sentir clairement une étrangère, rendue malheureuse par le fait même d'être une étrangère. J'avais grandi avec ces jeunes. Je considérais leurs comportements comme normaux et leur langue violente était la mienne. Mais je suivais aussi tous les jours, depuis 6 ans maintenant, un parcours dont ils ignoraient tout. Je me demandais ce que je faisais dans cette voiture. Ah, ben ils sont où ? Nous fûmes les premiers jeunes à entrer dans la salle de réception. Ma mauvaise humeur s'accentua. Silvio Emanuele Solara était déjà là, attablé en compagnie du commerçant en ferraille et la mère de Stéphane. Nous tournâmes un peu en rond, gênés. Nous ne savions pas où nous asseoir et aucun d'entre nous n'osait demander au serveur. Et nous, pourquoi le fils de Méline n'arrête pas de te tourner autour? Personne ne tourne autour de moi. Tu me prends pour une imbécile. Viens t'asseoir à côté de moi. Non, maman, écoute, c'est la honte. Je t'ai dit de venir. Arrête. Ou ne te fais pas faire des études pour que t'ailles te gâcher avec un ouvrier qui a une mère folle. C'est le mariage de ma copine. D'abord, elle n'avait pas voulu que je fasse des études. Mais puisque maintenant j'étudiais, elle estimait que je valais mieux que les jeunes avec lesquels j'avais grandi. Tu dois rester près de moi. Et elle prenait conscience que ma place n'était pas parmi eux. Toutefois, voilà qu'elle m'imposait de rester près d'elle pour me sauver de Dieu sait quel gouffre ou précipice, autant de dangers qu'Antonio incarnait alors à ses yeux. Mais rester près d'elle signifiait rester dans son monde et devenir exactement comme elle. Et si je devenais comme elle, avec qui pourrais-je bien finir, sinon avec Antonio? Lila avait l'air heureuse. Elle souriait main dans la main avec son mari. Elle était sublime. C'était sur elle que j'avais misé quand j'étais petite pour échapper à ma mère. Je m'étais trompée. Lila était restée là, attachée de manière éclatante à ce monde dont s'imaginait-elle. Elle avait tiré le meilleur. C'est à ce moment que Nino Saratore entra. Je le vis avant de voir Alfonso et Marisa. Je le vis et sauter sur mes pieds. Ma mère tenta de me retenir par un pan de ma robe, mais je la lui arrachai des mains. Antonio, qui ne me perdait pas de vue, me lança un regard d'invitation, le visage radieux. Mais je me dirigeai droit vers l'entrée, vers Alfonso, Marisa et Nino. Il est pas terrible ce pinard, hein? À mon avis, c'est pas ça à la table des mariés. Bonjour. Qu'est-ce que j'ai dit? C'est lent, regarde, on nous a pas encore servi nos entrées. C'est déjà leur plat principal. Je sentis que je détestais ces tensions et cette agressivité montante. Je pris mon courage à deux mains et entraînai Nino dans la conversation. Alors, t'as fini ton article sur la misère à Naples? Presque, mais ça prend du temps. Je remonte jusqu'aux origines. Il parlait de la misère non pas de manière générale et affective comme le faisait Pasquale, mais avec détachement, en citant des faits concrets et des données précises. Son assurance me frappa. Mais où est-ce que tu apprends tout ça? Il suffit de lire. Lire quoi? Les journaux, les revues, les livres qui traitent de ces problèmes. Oh. Moi, je n'avais jamais feuilleté le moindre journal ou la moindre revue. Je ne lisais que des romans. Même Lila, au temps où elle lisait, n'avait jamais rien lu d'autre que les vieux romans en lambeaux de la bibliothèque de près. J'étais en retard sur tout et Nino pouvait m'aider à récupérer du terrain. Je me mis à lui poser toujours plus de questions et il répondait, oui, mais sans fournir des réponses fulgurantes comme Lila. Il n'avait pas son pouvoir de tout rendre séduisant. Au lieu de prendre un italien, un napolitain, je m'efforçais de trouver des questions à lui poser et j'écoutais d'un air concentré ses réponses fleuves. Cependant, je saisis bien vite que le fil de ses propos suivait toujours la même idée fixe qui animait chacune de ses phrases. Le refus des paroles fumeuses, la nécessité de définir avec clarté les problèmes, de proposer des solutions réalistes et d'agir. J'acquiesçais tout le temps, je me déclarais d'accord sur tout. Qui dit... C'est très bien hein, qu'ils la vendent, leur fumée, qu'ils les écrivent, leurs romans. Moi, je les lirai volontiers. Mais s'il s'agit de changer vraiment les choses, bah, c'est pas de ça qu'on a besoin. Tu as une bien piètre opinion de la littérature. Trop de mauvais romans chevaleresques. Les nous font un Don Quichotte. Non, mais c'est vrai. Nous, avec tout le respect dû à Don Quichotte, on n'a pas besoin, ici, à Naples, de nous battre contre les moulins à vent. Ce serait du courage gâché. Arrête de parler de Don Quichotte, le jour d'un mariage en plus, on s'en fiche. Nous, ce qu'il nous faut, c'est des gens qui savent comment les moulins fonctionnent et qui les fassent fonctionner. Ah, bah comme Martin Luther King en 1955, tu sais qui a fait la marche. J'ai bientôt le désir de pouvoir discuter tous les jours avec un garçon de ce calibre. J'avais fait tellement d'erreurs à son sujet. Quelle bêtise ça avait été de le désirer, de l'aimer et pourtant de toujours l'éviter. C'était la faute de son père. Depuis ses origines, depuis la fin de la première moitié du 18e. Et depuis ça, on n'a jamais trouvé... Parfois, je regardais vers la table de Lila. Elle riait, mangeait et bavardait. Elle n'avait même pas réalisé où j'étais et avec qui je parlais. En revanche, je regardais rarement vers la table d'Antonio. Je craignais qu'il ne me fasse signe de le rejoindre. Mais je sentais bien qu'il avait les yeux braqués sur moi et qu'il commençait à s'énerver. De toute façon, j'ai déjà pris ma décision, je le quitte demain. Je ne peux pas continuer avec lui. Nous sommes trop différents. J'étais subjuguée par Nino. Lui saurait me détacher de ma mère. Lui qui ne voulait rien d'autre que se détacher de son père. Allez, viens, on danse. Mais je parle avec Nino. On danse. Salut, Nino. Plus tard. Antonio, tu sais bien, ma mère veut pas que je danse avec toi. Tout le monde danse, c'est quoi le problème? Bon, d'accord. Ah, me sers pas. Je te sers pas. C'est qui celui-là? Et qui veux-tu que ce soit? Tu le reconnais pas? Non. C'est Nino, le fils aîné de Salatore. Tu veux dire que je me suis fait faire un costume neuf pour rester là te regarder t'amuser avec ce mec qui s'est même pas coupé les cheveux et qui a même pas mis de cravate? Il me planta au milieu de la salle et se dirigea d'un pas rapide vers la porte en verre menant sur la terrasse. Pendant quelques secondes, je ne sus que faire. Rejoindre Antonio, retourner auprès de Nino. J'avais le regard de ma mère rivé sur moi, même si son œil qui louchait avait l'air de regarder ailleurs. Et j'avais sur moi le regard de mon père, et c'était un regard mauvais. Je me dis... Si je retourne voir Nino et ne rejoins pas Antonio dehors, c'est lui qui me quittera. Et pour moi, ce sera mieux comme ça. Je traversais la salle tandis que l'orchestre continuait à jouer et les couples à danser. Je m'assis à ma place. Nino ne sembla pas avoir accordé la moindre attention à ce qui s'était produit. Le long et exténuant repas de noces touchait à sa fin. Cela faisait longtemps que s'enchaînaient les toasts truffés d'allusions obscènes. Le sol était couvert de la sauce qui avait giclé de l'assiette qu'un enfant avait lâchée et du vin que le grand-père de Stefano avait fait tomber. Dis-moi, Greco, Tu sais ce que c'est la plèbe ? Ce que c'était la plèbe, je le suis à ce moment-là, beaucoup plus clairement. La plèbe, c'est vraiment pas du joli. La plèbe, c'était nous. La plèbe, c'était ses disputes pour la nourriture et le vin, cet énervement contre ceux qui étaient mieux servis et en premier, ce sol crasseux sur lequel les serveurs passaient et repassaient, et ces toasts de plus en plus vulgaires. La plèbe, c'était ma mère. Elle avait bu et maintenant se laissait aller, le dos contre l'épaule de mon père qui restait sérieux. Et elle riait bouche grande ouverte aux allusions sexuelles du commerçant en ferraille. Tout le monde riait, et Lila aussi. Elle semblait avoir un rôle à jouer et vouloir le jouer jusqu'au bout. Sans doute écœuré par le spectacle en cours, Nino se leva et dit qu'il s'en allait. Tu veux pas saluer la mariée ? Non, je préfère y aller. Tu sais, je crois que je suis pas très présentable avec ces vêtements. Et sans même serrer la main ni adresser la moindre salutation à Alfonso et moi, il se dirigea vers la porte de son habituelle démarche oscillante. Il savait qu'il entrait dans le quartier et en sortait comme il le voulait, sans en être contaminé. Il pouvait le faire, il avait les capacités de le faire. Moi, je doutais d'y arriver. Au moment du gâteau, les magnifiques et élégants frères Solara surgirent. Ils traversaient la salle en saluant un tel et un tel avec leur manière de patron. Stefano, qu'est-ce qu'il fait là ? Tu m'avais promis. Oh, laisse, c'est pas grave. Qu'est-ce qu'il fait là ? Mais laisse-le rentrer. Tiens, reprends un verre. Lila, une rougeur soudaine sur la gorge et autour des yeux, tira énergiquement son mari par le bras et lui dit quelque chose à l'oreille. Silvio Solara fit un petit geste vers ses fils et Manuela les regarda avec un orgueil de mère. Rino accueillit Marcello avec un sourire amical. Marcello s'assit, desserra sa cravate et croisa les jambes. Ce qui n'était pas prévisible se produisit seulement à ce moment-là. Je vis Lila perdre ses couleurs, devenir très pâle comme lorsqu'elle était enfant, plus blanche que sa robe de mariée. Et soudain, ses yeux se concentrèrent jusqu'à devenir deux fissures. Il y avait une bouteille de vin devant elle. Et je craignis que son regard ne la traverse avec une violence capable de la faire exploser en mille morceaux, faisant gicler du vin partout. Mais elle ne regardait pas la bouteille. Elle regardait plus loin. Elle regardait les chaussures de Marcello Solara. C'était des chaussures Cerullo pour hommes. Pas le modèle en vente, celui avec la boucle dorée. Marcello avait au pied les chaussures achetées il y a longtemps par Stefano, son mari. C'était la paire qu'elle avait réalisée avec Rino, les faisant et défaisant pendant des mois, s'y abîmant les mains. L'amie prodigieuse de Elena Ferrante, traduit de l'italien par Elsa Damien, adapté par Victoire Bourgois. 10e épisode, Les noces de Lila. Avec Amira Cazar, Louise Ori Di Quero, Giulia Dussolier, Sophie Goubry, Étienne Galarague, Sylvain de Guillaume, Thomas Harel, Adrien Zumthor, Édouard Penaud, Louison Alix, Alice Cozelan, Raphaël Damilano, Renaud Bertin, Raresh Yenasohaï, David Uri, Julien Bouanich et Francesco Semeraro, Giovanni Semeraro. Musique originale, Arthur B. Gillette. Conseillère littéraire, Catel Guillou et Emmanuel Chevrière. Bruitage, Céline Bernard. Prise de son, montage et mixage, Julien Douminc et Bastien Varigo. Assistant à la réalisation, Pablo Valero. Réalisation, Sophie Aude-Picon. L'Amie prodigieuse est éditée aux éditions Gallimard.